Allah nous a créés, il nous a donné notre subsistance et il ne nous a pas abandonnés soudainement. Il n'y a pas un bienfait sur vous sans qu'il soit d'Allah Azza wa Jalla. Tu peux compter les bienfaits, tu n'arriveras jamais à recenser les bienfaits que Allah nous a donnés. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. Surat Al-Imran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ala lillahi ad-din al-khalis. Ya qawm, ubudu Allah, ma lakum min ilahin ghayrih. Qala Allah Azza wa Jalla, ahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Nous vous désavouons, on se désavoue de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات رب الأراضين والسماوات عفو غفور غفار لا يزال ولا يزال بعفوه معروفا وبصفح عن عباده موصوفا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحبتي الكرام، نستأنف إن شاء الله عز وجل الدرس الثاني في شرح أصول الثلاث الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولقد وصلنا الدرس الأول إلى قول البخاري فاعلم أنه لا إله إلى باب العلم قبل القول والعمل. دونك إن شاء الله عز وجل نكونتينيون بإذن الله notre deuxième cours sur l'explication des trois fondements, sur l'explication des trois principes fondamentaux du Cheikh Mohammed ibn Abd Wahhab, rahimahullah. Donc on va réciter le matn, inshallah, jusqu'à là où on s'est arrêté dans le premier dos. Donc on va aller inshallah en arabe, le matn. المتن بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc on s'est arrêté ici dans le précédent cours. Donc on s'est arrêté à la parole de Al-Bukhari, rahmatullahi alayh. Donc Al-Bukhari, il a fait un chapitre. Le chapitre, c'est quoi? C'est la science avant tout dire et tout acte. La science avant tout dire et tout acte. Al-Bukhari, donc il a fait un livre, Sahih Al-Bukhari, qui est le plus véridique livre après le livre d'Allah Azza wa Jalla, يعني هو أصدق الكتب بعد كتاب الله عز وجل. والبخاري هذا اسمه عبد الله اسمه أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري يعني de Bukhara. Bukhara, c'est une ville au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, c'est le pays de l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan. Il est né en 1900, en 194 Hijriya, de l'année d'Égir, de l'Égir, et il est mort en l'an 256, au milieu de la troisième génération. Donc, il est mort, il avait 62 ans. Et donc, comme on l'a vu, c'est l'auteur du Sahih al-Bukhari. Il a d'autres livres qui sont très connus. Donc, on s'est arrêté, pour revenir, on s'est arrêté au chapitre. Donc, il a fait un chapitre. C'est quoi? Ce chapitre, c'est la science passe avant la parole et l'acte. Donc, la science passe avant la parole et l'acte. Et dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Et le dalil c'est quoi? C'est et sache donc qu'en vérité il y a point de divinité à part Allah azza wa jal et implore pardon pour ton péché, sourate Muhammad. Donc il commença par la science. Donc qu'est-ce qu'il a Allah al-Bukhari rahimahullah parle فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc, il a commencé par quoi? Allah Azza wa Jalla, il a commencé par la science avant la parole et l'acte. Donc, il est du devoir du musulman d'apprendre en premier. Première chose, c'est qu'il apprend. Ensuite, qu'il pratique. Ensuite, c'est la pratique. Et comme ils ont dit, la science c'est comme un arbre. La science c'est comme un arbre. Et les actes sont quoi? Sont les fruits. Les actes sont les fruits. Donc pour avoir les fruits, il faut cultiver et planter l'arbre pour qu'il puisse pousser. Donc si on arrive à faire des actes sans science, donc, ces actes ne seront pas basés sur de bonnes bases. Donc, chaque personne doit d'abord apprendre, demander la science, chercher, ensuite pratiquer. Donc, il apprend comment adorer Allah Azzawajal. Comment adorer Allah Azzawajal? En se basant sur une science à la Basra. Qul hada sabili adwa Allahi. قل هذا سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. حتى الدعوة لابد لها من العلم. يعني العلم شرط في الدعوة. يا الله عز وجل يعني هو يعني le savant, le plus savant de toutes choses. هو الله عز وجل. عالم الغيب والشهادة. ولهذا المصنف رحمه الله قال من بعد ذلك اعلم رحمك الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم تلافي هذه المسائل والعمل بهم. المصنف رحمه الله جي sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à tout musulman et musulmane d'apprendre ces trois points et de les pratiquer, d'apprendre ces trois points et de les pratiquer. Donc les trois points, le cheikh rahimahullah, cheikh Mohammed ibn Abdel, il fait allusion à quoi? Les trois points, les trois points c'est les trois questions que chaque personne sera questionnée dans la tombe. Donc les trois questions c'est quoi? Yani man rabbuk wa ma dinuk wa man huwa ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Hadi hiya ath-thalathatu al-usul. Ça c'est les trois bases. Donc c'est le livre. C'est un maître qui est petit, mais qui a beaucoup de choses importantes. Donc, At-Thalathatu al-Usul, c'est ça, c'est qui est ton Dieu, yani Marabouk, ma huwa dinouk, ma dinouk, wa man huwa rajoulou, alladhi bu'itha fikoum. C'est qui est la personne qui a été envoyée, qui vous a été envoyée. Donc, le prophète, le cheikh a dit, il faut, اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل به. Donc ici, une deuxième fois, le cheikh insiste sur le fait d'apprendre ces trois choses et de les pratiquer. Et de les pratiquer. Le premier, la première chose, il dit أن الله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل بعث فينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Donc, il dit la première des choses, c'est quoi? C'est qu'Allah nous a créés. Allah nous a créés. Il nous a donné notre subsistance et il ne nous a pas abandonnés soudainement à nous-mêmes. Il ne nous a pas abandonnés soudainement à nous-mêmes. Donc, on a vu que Cheikh s'est appuyé, il a commencé par dire « sache » et « elem ». Donc, une chose importante que le Cheikh veut nous passer, à chaque fois, il dit quoi? « Et elem » pour qu'on puisse faire attention à cette chose qu'il va nous annoncer. Comme quoi c'est une chose importante. Comme on l'a vu dans Sourate Mohammed, qu'Allah Azza wa Jal, fa'alam annahu la ilaha illallah. Il sache que il y a nulle divinité qu'Allah. Donc, ici, il nous a dit, et sache que il fait un dua pour nous, chaque musulman et chaque musulman doit apprendre ces trois points et de les mettre en pratique. Et donc, ces trois points se rattache à quoi? Au tawhid. C'est le tawhid. Se rattache au monothéisme. Donc, Allah créa cette création. Et Allah khalaqana. Il a créé cette création. Wa razaqana. Il nous a donné notre subsistance. Pour qu'on l'adore, subhanahu wa ta'ala. Il nous les a donc pas créé ces choses-là. Toutes choses qu'il y a sur terre, Allah Azza wa Jalla ne l'a pas créé sans un but. Donc chaque chose que Allah Azza wa Jalla a créée, fiha hikma. Fiha hikma. Donc Allah a créé ces choses-là dans un but bien précis. Il n'a pas créé ce monde soudainement. Mais il a créé cette création, pourquoi? Pour quelque chose d'important. Pour les rayatin, yani, Muhimma, pour une importante chose. Donc, huwa fi khalqi hadha al-khalq hikma wa ghaya. Donc, il y a une grande sagesse dans cette création, dans la création des cieux, de la terre, de tout ce qu'on a autour de nous. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وما بكم من نعمة فمن الله وفي آية أخرى وإن تعدوا نعمة الله عليكم لا تحصوها. Donc Allah Azza wa Jalla dit, et si vous comptez les bienfaits, وما بكم من نعمة فمن الله, il n'y a pas un bienfait sur vous sans qu'il soit d'Allah Azza wa Jalla. Donc chaque bienfait qu'on a autour de nous, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Et dans l'autre aya, وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله la tuhsouha. Et si vous essayez de faire un recensement de bienfaits, vous n'arriverez pas à recenser les bienfaits que Allah vous a donnés. Donc, tu peux compter les bienfaits, tu n'arriveras jamais à recenser les bienfaits que Allah nous a donnés. Donc, il y a une hikma, il y a une sagesse dans cette création. C'est quoi cette sagesse? C'est pour que ces êtres humains adorent et unifient Allah Azzawajal, pour qu'il l'adore uniquement, sans rien lui associer. Donc il y a toute chose invoque Allah Azzawajal. Toute chose invoque Allah Azzawajal. Allah Azzawajal a dit quoi? وَمَا خَلَقْتُ فِي سُورَةِ الذَّارِيَاتِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ Sourate Al-Imran. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ Et Allah Azza wa Jalla a dit dans une autre parole, dans un autre verset, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ Et Allah Azza wa Jalla a dit dans un autre verset, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. وَعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Et le prophète, quand il allait voir Quraysh pendant les 13 années, les premières 13 années, quand il appelait, quand il faisait la da'wa, il disait quoi? Ya qawm, wa'budu Allah, ma lakum min ilahin ghayra. Le prophète, quand il appelait Quraysh, quand il faisait la da'wa, il disait quoi? Oh, peuple, adorez Allah, vous n'avez pas un autre créateur que lui. Ya qawm, wa'budu Allah, ma lakum min ilahin ghayra. Vous n'avez pas quelqu'un que vous adorez à part Allah Azza wa Jalla. Donc Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a créé ce monde et c'est lui qui doit être digne d'adoration. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans un autre verset, donc Allah en lui vouant, adore Allah en lui vouant un culte exclusif. Allah Azza wa Jalla, c'est ayat al-Ukhra, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah Azza wa Jal, que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif. Certes, Allah n'a-t-il pas la religion pure, bella, Allah Azza wa Jal, à la religion pure. Donc, on ne doit pas lui associer une chose, ou un être, ou un arbre, ou une pierre, ou quoi que ce soit. Et Allah et Luqman, quand il donnait conseil à son fils, qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Il disait, mon fils, n'associe rien à Allah. Car l'association à Allah est un dhulm, est une injustice, est une grande injustice. Donc, Allah Azza wa Jal nous a créés pour un but bien précis. C'est quoi ce but? C'est l'adorer subhanahu wa ta'ala. C'est ifraduhu bil ibada. Allah Azza wa Jal lam yakhluqna abatha. كما قال المصنف الأولى أن الله خلقنا أول شيء أن الله عز وجل خلقنا ثم رزقنا ثم لم يتركنا هملا إنزل زباليسي سودلما عبثا هملا ولم يتركنا هملا وقال الله عز وجل قال الله عز وجل أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم في سورة المؤمنون donc Allah عز وجل a dit dans ce verset est-ce que vous avez cru qu'on vous a créé soudainement et que vous n'allez pas être retourné envers nous, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَفِي اللُّغَ عَبَثًا وَالْعَبَثِ هُوَ اللَّعِبِ أحسبتم أنما خلقناكم عبثا، عبثا يعني soudainement. Est-ce que vous croyez qu'on vous a créé soudainement, يعني en jouant, sans aucune hikma, sans aucune sagesse, on vous a créé juste comme ça pour que vous jouiez, pour que vous vous mariez, comme des animaux quoi. On vous a créé comme ça. Donc, والعبث في اللغة هو اللعب. العبث في اللغة هو اللعب. ويقال عبث يعبث عبثا. عبث يعبث عبثا. وقال الله عز وجل في آية أخرى لعلها سورة القيامة، سورة القيامة، قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال السدي رحمه الله في تفسيره: يعني لا يبعث. أحسب الإنسان أنه لا يبعث؟ صدق ici قول الله عز وجل أحسب الإنسان أن يترك سدى. Est-ce que l'être humain croit-il qu'on va le laisser comme ça? Qu'on va le laisser sans le questionner, sans qu'il rende des comptes, est-ce qu'il croit qu'on l'a créé comme ça? Sidi, il a dit quoi? Il a dit, est-ce qu'il croit qu'on l'a créé, mais qu'il sera pas, qu'il reviendra pas envers Allah Azza wa Jal. Il va revenir et il sera questionné sur tout, il sera mis entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc, وقال الشافعي رحمه الله تعالى ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا أحسب الإنسان أن لا يؤمر ولا ينهى. Est-ce que l'être humain croit-il qu'on l'a créé et que on lui a pas donné des ordres et que on lui a pas donné qu'on lui a pas ordonné de se détourner de choses qui sont blâmables et qui sont interdites? Certes que non, Allah Azza wa Jalla nous a donné des ordres et nous a donné yani, des nahi, des choses qu'on doit délaisser. Donc, Allah Azza wa Jalla nous a créé pourquoi? Pour qu'on l'adore, subhanahu wa ta'ala, pour qu'on lui voue une adoration que pour lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Azza wa Jal n'accepte pas qu'on lui associe une chose. Donc, Allah Azza wa Jal قال, certes, l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Inna dhulma yabunay la tushrik. Yabunay la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Est une injustice énorme. وقال تعالى في آية أخرى: mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'il aurait fait eût certainement été vain. وقال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال عز وجل: ومن يشرك بالله في آية أخرى فقد خر من السماء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والله عز وجل dit dans un autre verset: certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et par cela il pardonne à qui il veut. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل pardonne mis à part l'association. Allah عز وجل ne pardonne pas l'association. Et comme Allah عز وجل quand il a envoyé les prophètes, leur message c'était ça: يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Quraysh, il leur a dit: Ya qawm ubudullah ma lakum min ilahin ghayra. Ils ont dit quoi? Ils ont dit: aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Quand le prophète alayhi il leur a recommandé, il leur a ordonné d'adorer Allah azzawajal et de vouer une adoration suprême pour Allah azzawajal, ils ont dit quoi? Ils ont dit ah, c'est une chose bizarre et étrange. Il a rendu tous les dieux qu'on adore, il a rendu qu'un seul dieu. C'est une chose étrange. Donc, au fait qu'Allah Ta'ala fait ayat une autre par Allah Azza wa Jal, en effet, il t'a été révélé ainsi, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc Allah عز وجل s'adresse à qui? S'adresse à son prophète, s'adresse à Muhammad عليه الصلاة والسلام, يقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك, c'est-à-dire qui? Les prophètes, وإلى الذين من قبلك, لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Il dit, on t'a révélé. En effet, on t'a révélé, et ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire les prophètes. Si tu donnes des associés à Allah Azzawajal, si tu associes à Allah Azzawajal, quoi que ce soit, ton œuvre sera anéantie. Et tu seras très certainement du nombre des perdants. Et ça, c'est, il s'adresse à qui? Il s'adresse au prophète, alayhi sallam, dont Allah Azzawajal a pardonné ses péchés passés, les péchés à venir. Comme Aisha radiallahu anha, قالت حينما كان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل حتى تتفطر قدماه فتقول له يعني هون على نفسك يعني وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك فقال فكان يقول عليه الصلاة والسلام ألا أكون عبدا شكورا ألا أكون عبدا شكورا Ne veux-tu pas que je sois un serviteur remerciant qui remercie son Seigneur, qui remercie Allah Azza wa Jal? Donc le prophète sallallahu Allah Azzawajal s'est adressé à lui en lui disant, voilà, si tu suis associé à Allah Azzawajal, Allah te rendra tes actes en poussière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamana. Donc il ne nous a pas laissé soudainement. Il ne nous a pas laissé soudainement. Comme on l'a vu, ahasib al-insanu annama khalaqnakum. حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وفي قراءة لا ترجعون وفي قراءة لا ترجعون وهذا الألف يعني الهمزة همزة الاستفهام أحسبتم est-ce que vous croyez c'est comme s'il y avait un point d'exclamation est-ce que vous croyez c'est pour attirer notre attention est-ce que tu crois qu'on t'a créé comme ça et que tu reviendras pas à Allah Azza wa Jal est-ce que tu crois donc la réponse bien sûr que non, on ne croit pas qu'on va être, qu'on a été créé comme ça soudainement. Donc Allah nous a créé, nous a donné notre subsistance. Il ne nous a pas abandonné, il ne nous a pas délaissé à nous-mêmes. Donc, contrairement à cela, il nous a ordonné de quoi? Il nous a ordonné de l'unifier. Il est de pratiquer le monothéisme, de lui obéir par An-Nuti'ahu subhanahu wa ta'ala, et qu'on abandonne sa désobéissance, wa an-nashanib ma naha an subhanahu wa ta'ala. Donc, la preuve c'est quoi? Au contraire, il nous a envoyé, summa qala al-musannif rahimahullah, bal arsala ilayna rasula. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Mais au contraire, il nous a envoyé un messager. Il nous a envoyé un messager. Quiconque lui obéit entre au paradis. Et quiconque lui désobéit entre en enfer. Quiconque lui désobéit rentre en enfer. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا في سورة المزمل قال الله عز وجل Nous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, pour être témoin contre vous, de même que nous avons envoyé un messager à Pharaon. Donc qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Pharaon a désobéi alors au messager. Nous l'avons saisi donc avec force. Nous l'avons pris avec force, rudement. Donc, Allah Azzawajal a dit quoi? Nous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous l'avons pris, donc, avec force. Allah Azzawajal fi ayatil ukhra, مصداقا لهذه الآية قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال الله عز وجل في آية أخرى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Donc Allah Azza wa Jal قال في الآية الأولى وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc on ne peut pas châtier et punir avant qu'on envoie un prophète. Donc le prophète il a été envoyé. Donc Al-Hujja Qa'ima, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé. وقال الله عز وجل رُسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Donc des prophètes qui annoncent de bonnes nouvelles et qui mettent en garde pour qu'il y ait pas pour qu'il pour que les gens n'aient pas une excuse après l'envoi des prophètes pour que les gens n'aient pas une excuse. Donc Allah Azza wa Jal a envoyé des prophètes. Donc nous avons vu أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هاملا بل أرسلنا إلينا رسولا فمن أطاع ودخل الجنة ومن عصى ودخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. سورة المزمل. الثانية هذه الأولى الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Donc la deuxième, c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal n'accepte jamais, n'accepte pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration. Ni un ange rapproché, la malakul muqarrab, wala nabiyun mursal, ni un messager envoyé par Allah Azza wa Jal, ni لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Les mosquées sont consacrées à Allah. Les mosquées sont à Allah Azza wa Jal. Donc n'invoquez donc personne avec Allah. N'invoquez donc personne avec Allah Azza wa Jal. Donc, Allah Azza wa Jal nous a envoyé un prophète alayhi salatu wa salam pour nous montrer et nous guider. Il nous a envoyé un messager qui est Muhammad alayhi salatu wa salam. Il nous l'a envoyé avec tout ce que nous avons cité précédemment. Donc il descend, Allah Azza wa Jal a fait descendre des livres, et le dernier des livres, c'est le Coran. Pour que on pratique et on suit cette guidée et cette droiture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Donc on pratique les ordres et on se dévie et on se détourne de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce que Allah nous a ordonné de s'en détourner et que nous nous abstenons de ce qui s'est trouvé comme interdiction. Donc le prophète nous interdit des choses, donc on s'en éloigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour enseigner aux gens leur religion. Son but, c'est ça, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc le dernier des prophètes. Et c'est lui leur imam. Et le meilleur d'entre eux, le meilleur des prophètes, c'est le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ensuite, on a vu qu'il était interdit, d'adorer autre que Allah, que ce soit un messager ou un malak, muqarrab. Et Allah Azzawajal, la yarda, an yu'bada ma'ahu ahadun, an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah Azzawajal n'accepte pas que quelqu'un soit associé à lui dans l'adoration. Donc, Allah Azzawajal a dit, nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. Donc, le prophète, il a été envoyé pour être témoin contre qui? Contre nous. Donc, il a été témoin contre Pharaon, comme on l'a vu. Il était témoin. Pharaon désobéit alors au messager. Nous le saisîmes donc rudement. Donc Allah Azzawajal, on a vu qu'il n'accepte jamais, subhanahu wa ta'ala, Allah Azzawajal n'accepte jamais qu'on lui associe quoi que ce soit, ni dans sa création, ni un prophète envoyé, ni un ange rapproché, ni autre, ni que soit quoi que ce soit. Car l'adoration d'Allah Azzawajal, comme on l'a vu précédemment, elle doit être pure pour Allah Azzawajal et sincère pour Allah Azzawajal. Et elle doit être uniquement pour Allah Azzawajal. Et donc, c'est la da'wa que Mohammed ibn Abd Wahhab a fait. Donc, il a activé à son époque, il fait l'Hijaz, fait Jazirat al-Arab, il a vu que les gens adoraient le Qubur, faisaient Ibadat le Qubur, Tawaf bil Qubur, Al-Istighatha bi ghayrillah, da'wa ghayrillah. Donc, il a vu que les gens étaient engloutis dans l'association. Donc, la première chose, sa da'wa. Sa da'wa, c'était ça, c'est il appelait les gens au tawhid. Donc, l'association, on a vu, c'est le plus grand des péchés et c'est le péché que Allah Azzawajal n'accepte pas. Allah Azzawajal n'accepte pas. Comme Allah Azzawajal a dit dans un verset, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Donc on est arrivé aux actes qu'ils ont faits, on les a anéantis, on les a rendus en poussière, on les a rendus en poussière. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait pas l'ikhlas. Ces actes, on ne les a pas faits pour Allah Azza wa Jalla, il n'y avait pas l'ikhlas. Donc, on arrive au troisième point, قال المصنف رحمة الله عليه. الثالثة أن من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام ووحد الله لا يجوز أن يعبد أنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Donc le prophète عليه المصنف رحمة الله عليه يقول le troisième, c'est celui qui obéit au messager alayhi salatu wassalam, et pratique le tawhid, wahad Allah Azza wa Jal, il ne lui est pas permis de prendre pour allié quiconque qui s'oppose à Allah Azza wa Jal et à son messager. Même si cette personne est un proche de lui, et cela est indiqué dans Surat Al-Mujadala. Dans Surat Al-Mujadala. Qu'a Allah Azza wa Jal, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. في سورة المجادلة. يعني الله عز وجل a dit dans ce verset, tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah عز وجل, qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Que ça soit leur père, que ça soit leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Et il les fera rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Inna hizballahi humu al-muflihun. Ala inna hizballahi humu al-muflihun. Donc, on a vu dans ce verset que une personne qui croit en Allah Azza wa Jal est donc celui, comme il a dit le Moussanif, troisième point, celui qui croit en Allah Azza wa Jal. Annahu man wahhad Allah. أنه من أطاع الله أنه من أطاع الرسول وحد الله عز وجل. Donc celui qui obéit au prophète, qui obéit aux ordres du prophète عليه الصلاة والسلام et qui unifie Allah عز وجل. وحد الله عز وجل. Celui-là, il n'a pas le droit de prendre comme allié ceux qui vont à l'encontre d'Allah et de son prophète. Il n'a pas le droit de prendre comme allié ceux qui vont à l'encontre d'Allah et de son prophète. Et comme Allah Azza wa Jal a dit dans un autre verset, لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبدا. يعني il a été débuté. وبدا أي ظهر وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Donc dans ce verset, Allah, yani Ibrahim عليه السلام, il se désavoue, donc Allah Azza wa Jalla nous dit, vous avez certes en Ibrahim un bon exemple quand il s'est désavoué de son peuple. Il s'est désavoué de son peuple quand il leur a dit Inni bara'un mimma ta'budun, je me désavoue de ce que vous adorez. Inni bara'un mimma ta'budun. D'abord, ils ont commencé par se désavouer d'eux dans un premier temps, puis de ce qu'ils adorent. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit quoi ? وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Et donc, à partir de maintenant, il a été commencé entre nous, entre vous et nous, الْعَدَاوَ وَالْبَغْضَاءَ. الْعَدَاوَ وَالْبَغْضَاءَ. Donc, الْعَدَاوَ, en fait, donc, c'est الْعَدُو هو l'ennemi. Donc, vous êtes devenus des ennemis à partir d'aujourd'hui. Et nous, on vous déteste. Donc, vous êtes des ennemis, en même temps, on vous déteste. On ne vous aime pas. Et comme il a été dit dans un autre verset, donc, la plus solide des branches de la foi, c'est le fait d'aimer en Allah Azza wa Jalla et de détester en Allah Azza wa Jalla. لقد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Donc Allah عز وجل a dit que ils seront toujours nos ennemis et on va les détester jusqu'au jour dernier, à condition s'ils croient en Allah عز وجل, ils sont nos frères. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين, comme Allah عز وجل a dit dans un autre verset sur la Tawba. Donc si ils se repentent et ils accomplissent la prière, ils font la zakat, donc c'est vos frères en religion. Donc ça sera vos frères. Et dans un autre verset, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Donc laissez-les, s'ils font ces choses-là, donc laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Donc Allah Azzawajal nous a montré comme quoi il faut se désavouer des gens de l'Ba'atel, des gens qui vont à l'encontre des ordres d'Allah Azzawajal, qui ne croient pas en Allah Azzawajal. Ces gens-là, on ne doit pas les prendre comme alliés. Donc, il y a une différence, les gens ils font un amalgame, il y a une différence entre le birr et le mawadda. البر والمودة. المودة هذا عمل القلب. المودة المودة سي كوا سي ان اكت دو كوغ. دونك لو كوغ بارل اي لو كوغ الى دي زاكت. لو كوغ il parle et le cœur il a des actes. La foi en fait, c'est quoi? C'est la foi, elle regroupe des dires et des actes. La foi regroupe les dires et les actes. Les dires de quoi? C'est les dires de la langue. Les dires du cœur. C'est les dires de la langue et les dires du cœur. Et les actes, c'est quoi? C'est les actes du cœur et les actes des organes, al-jawarih. Donc le cœur parle et le cœur œuvre. Le cœur parle et le cœur œuvre. Donc c'est quoi? On va donner des exemples rapidement. Les exemples des dires du cœur, عندنا قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو اعتقاده وعمل القلب هي تحركاته. هذه قاعدة. قول القلب هو اعتقاده وعمل القلب هو يعني هي تحركاته. Par exemple, يعني croire en Allah عز وجل, c'est quoi? On avait dit que les dires du cœur, c'est sa croyance. Les dires du cœur, c'est sa croyance. Et les actes du cœur, c'est quoi? C'est les actes du cœur, c'est quoi? Les dires du cœur, c'est quoi? C'est son mouvement. Le mouvement. C'est ce qui te pousse à faire des actes. Donc, par exemple, les dires du cœur, c'est quoi? C'est croire en Allah. Ça, c'est un dire du cœur. Croire en Allah, c'est un dire du cœur. Croire à son prophète, c'est un dire du cœur. Croire au paradis, c'est un dire, c'est une croyance. Croire au paradis, c'est une croyance. Croire en enfer, c'est une croyance. Croire à Filbet, Azab al-Qabr, al-Atiqadat. Donc, ça, c'est les dires du cœur. Les actes du cœur, c'est toutes les croyances qui te font, qui t'amènent vers les actes. Donc, Hubbul Mu'minin, Azab amal al-Qalb. Aimer ses frères musulmans, aimer les croyants, c'est quoi? C'est un acte de cœur. C'est un acte du cœur. Aimer les musulmans, pourquoi? Parce que ça te pousse à les aider, à leur tendre yadul aoun, à leur donner un coup de main, à les aimer, à s'entraider. Donc, comme l'a dit le prophète, عليه الصلاة والسلام, un musulman du muslimi, quel jasad il wahid, comme il a dit le cheikh Ibn Taymiyyah, rahmahullah, un musulman du muslimi, quel yadayni ta'asilu ihdahuma al-ukhra. Le musulman envers son frère musulman, s'il l'aime, donc ça va le pousser à faire des actes, à lui rendre visite, à lui. Donc, ça le pousse à faire des actes. Donc, ça, c'est. Les dires les actes du cœur, on y reviendra, inshallah, dans un cours de l'aqidah bi'idhnillah. Donc, on a vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a envoyé, il a été envoyé pour nous transmettre ce message. Et que celui qui adore Allah azzawajal et qui suit son prophète, alayhi salatu wassalam, doit se désavouer de toute personne qui va à l'encontre des ordres d'Allah azzawajal et de son prophète, alayhi salatu wassalam. وقال الله عز وجل دونك ثالثاً بوين revenir au troisième point ceci donc c'est une importante هذا شرط يعني أن تعبد الله عز وجل وأن تتبرأ هذا هو الولاء والبراء يعني ça c'est l'alliance et le désaveu tu t'allies à Allah et aux croyants et à son prophète et tu te désavoues de toute personne qui va à l'encontre d'Allah Azzawajal qui va à l'encontre de son prophète alayhi salatu wasalam. Donc tout musulman et tout musulman doit savoir qu'il est interdit de s'allier à des gens qui sont mouchriquins, qui vont à l'encontre d'Allah Azzawajal, qui sont kuffar. Et donc tu dois les détester, ne pas les aimer. Tu dois les détester et ne pas les aimer. Pourquoi? Parce que Allah les déteste tout simplement et Allah ne les aime pas. Donc la personne qui obéit à Allah Azzawajal et à son messager et qui fait le tawhid, elle pratique le tawhid, Allah Azzawajal elle s'implique à prendre les mécréants comme ennemis. Elle s'implique à prendre les mécréants comme ennemis. Et de les détester, de les haïr. Tu les détestes, mais pas pour toi. Tu les détestes en Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'ils n'adorent pas, parce qu'ils n'unifient pas Allah Azza wa Jal. Et donc, il n'est pas autorisé. Walaw bi basma, walaw bi dhahka. Tu ne dois pas t'allier au kuffar, ne serait-ce avec un clin d'œil. Ne t'allie pas avec eux, ne serait-ce avec un sourire. Ni de les aimer. Comme Allah Azza wa Jal dit, tu ne trouveras pas. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas, ya Muhammad, il y a le message et le prophète alayhi salatu wasalam, tu ne trouveras pas, oh Muhammad, des gens qui ont la foi au fond d'eux, qui prennent pour allié celui qui va à l'encontre d'Allah et de son message. Donc, ce n'est pas possible. وقال الله عز وجل يعني في هذا المعنى قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Donc Allah عز وجل dans ce verset il dit: oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء بأفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. سورة آل عمران. الله عز وجل dit: ne prenez pas comme alliés, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. Yani la colère et le fait qu'ils vous haïssent, donc c'est des signes qui ont commencé depuis leur bouche. C'est des choses qui font sortir de leur bouche. Mais ce qu'il y a dans leur cœur est encore pire. Ce qu'ils cachent dans leur cœur est pire. Donc Allah Azza wa Jal nous a dit, on parle Allah Azza wa Jal, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم غزوا ولعبا. يعني بخوفت الله عز وجل دي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم غزوا ولعبا. Ne prenez pas comme alliés ceux qui se foutent de votre religion et qui rigolent de votre religion. Ne prenez pas comme alliés. Ne les prenez pas comme alliés. قال الله عز وجل في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا. Donc l'aïa, je ne me rappelle plus. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans l'aïa, pour revenir à l'aïa qui est forte, l'aïa qui montre comme quoi l'exemple, وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِمْ إِلَّا مَنْ سَفِيهَا نَفْسَهُ. Donc Allah Azza wa Jalla dit: celui qui délaisse Millet Ibrahim, c'est celui qui se fout de sa gueule. Celui إِلَّا مَنْ سَفِيهَا نَفْسَهُ, c'est celui qui n'a pas de cerveau. Celui qui n'a pas de cerveau. Donc, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans notre verset, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. Donc, ne donnez pas les gens du tafsir, ils ont dit souffaha, c'est C'est ceux qui n'ont pas de cerveau, c'est ceux qui n'ont pas de cerveau, c'est ceux qui sont pas intelligents, ils savent pas où est leur maslaha, ils savent pas, ils savent pas en fait les choses qui leur sont favorables. Donc Allah Azzawajal, pour revenir à Allah Azzawajal, certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui ont été avec lui, quand ils dirent à leur peuple, Malakalu, inna bura'a'un minkum, nous vous désavouons. On se désavoue de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah Azzawajal. Et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Kafarna bikum. On vous renie. Wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-bada. Donc entre nous et vous, il a commencé quoi? Une haine. Elle a été commencée entre vous et nous, une haine à jamais, infinissable. Donc on vous a déclaré quoi? On vous a déclaré la guerre. Donc vous allez être nos ennemis. Jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc hada huwa ash-shart. Hada huwa ash-shart. Donc al-adawat wal-ba'da, le fait d'haïr et de prendre comme ennemi les koufars est une chose primordiale, est une chose impérative, est une chose obligatoire. On y insiste. J'insiste dessus. Tout comme aimer les croyants, c'est une obligation. Aimer les croyants et les prendre comme alliés, c'est une obligation. Comme il a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh, al-aslu fil adawa, al-aslu fil adawa, al-bughd wal-bu'd. الأصل في العداوة البغض والبعد والأصل في الولاية يعني أن توالي الله عز وجل وأن توالي الرسول صلى الله عليه وسلم وأن توالي المؤمنين أن تتخذه أن تتعلي عائه يعني قال ابن تيمية رحمه الله الأصل القرب القرب الأصل الحب والقرب يعني sur le fait de s'allier aux musulmans c'est de s'en rapprocher comme a dit Sheikh Mitchell de se rapprocher des musulmans et de les aimer. Et sur le fait de détester le kuffar, c'est quoi? C'est de s'en éloigner et de les détester. Donc le kuffar, il a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, pour récapituler, il a dit quoi? L'asl fi, l'adawa, le principe sur la haine qu'on a envers le kuffar, c'est de s'en éloigner et de les détester. Et le principe par rapport aux musulmans, c'est de s'en rapprocher et de les aimer. Donc, tu dois prendre comme allié les musulmans. Donc, pourquoi? Parce que Allah aime le croyant. Hein? Et Allah Azza wa Jalla déteste celui qui va à son encontre. Donc, tu dois détester les gens qui vont à l'encontre d'Allah Azza wa Jalla, comme on l'a vu, même si c'est ton propre père. Donc tu prêches, tu implores Allah Azza wa Jal, tu adores Allah Azza wa Jal et tu t'éloignes de ceux qui vont à l'encontre de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, même s'ils sont dans ta ville, même s'ils sont dans ta maison, tu dois les détester. Donc on a vu qu'Allah Azza wa Jal, par rapport à l'Yahoud ou al-Nasara, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ. Les kuffars entre eux, ils s'entraident entre eux. بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ وَهَذَا مِصْدَاقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ. Et celui d'entre vous qui les prend comme allié fait partie d'eux. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَهُوَ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Donc après il y a le jizya. Le jizya c'est quoi? C'est une forme d'argent que les Yahoud ou Nasara donnent aux musulmans en échange de les laisser tranquilles. Mais la terre d'Allah doit être jugée avec les lois d'Allah. Donc le jizya est une aide que le kuffar est une forme d'argent qu'on donne aux musulmans. Donc on leur prend le jizya quand ils ne sont pas convertis à l'islam, on leur prend le jizya. Et on ne les combat pas. Donc, là, on se fait comme. الحكم المستأمن أو المعاهد، ça c'est par rapport aux chrétiens et aux juifs. Et le prophète Al-Satlan, il a été. Certaines personnes, ils ont dit, ça c'est. Certains savants ont dit, c'est une exception, ça c'est juste pour les Yahoud ou Nasara. Mis à part eux, on ne prend pas le jizya. Mais d'autres savants ont dit qu'on prenait le jizya parce que le prophète Al-Satlan, il a pris le jizya de Qabilat Hajar. Il a pris d'eux, c'est des mouchriquins, ils n'étaient ni chrétiens ni juifs, mais il a appris le jizya. Donc s'il refuse de donner le jizya, qu'est-ce qu'on fait? S'il refuse de donner le jizya, alors on les combat, tout simplement. On les combat selon notre capacité. Selon notre capacité. Donc, et ceci est réservé aux gens du livre, c'est-à-dire Yahoud et Nasara, et aux Majus. Parce que le prophète sallam a pris l'argent de Majus Hajar. Quant au reste des mécréants, on n'accepte ni jizya, c'est soit l'islam, soit on les combat. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, et combattez-les jusqu'à ce qu'ils jusqu'à qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Que ce soit toute la religion à Allah Azza wa Jalla. وإلى هذا نستمر في الدرس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.